Now that we've got Madame Mathieu out of the way, let's continue with the receptionist as he turns his attention at last to George and his wallet. Et maintenant, Monsieur Wickham, votre portefeuille. Oh, thank you very much. Merci. Beaucoup. Ah, oui, merci beaucoup. De rien, monsieur. Aussi, vous avez un fax pour Monsieur Wickham. Un fax? Ah, oui. Le voici. Merci, monsieur. Excuse me a moment. I'll just see if it's urgent. Of course. Alors, monsieur, pour aller au parc des expositions, s'il vous plaît.